Dalila et Zelda, un perrier à Nice et un ballon de pommard. Dalila et Zelda, fendus sur la cuisse et des façons de loubar. Elles se prétendent être à l'amende, alors elles descendent vers le pays d'un mois de vin. Dalila et Zelda, à jamais complices, à jamais comprises dans cette histoire. L'espérance, c'est un crime de délivrance en puissance. Zelda, pas de parti pris que de répartir dans leur répertoire. Elles ne pensent qu'à lui étendu sur un lit de lilas en effervescence.